Donc on va commencer aujourd'hui. Juste avant de commencer, je voulais juste vous montrer l'exemple de qu'est-ce qui se passe chaque année. Il y a un groupe qui s'appelle RIS. RIS, si on le traduit en français, eux c'est en anglais c'est Reviving the Islamic Spirit. Si on le traduit en français, ça dit revivifier l'esprit islamique. Et c'est en fait un mélange de Ikhwan puis de Soufia, puis toutes sortes de tendances modernistes aussi, yani, qui se réunissent pour faire des conférences pendant 2-3 jours, du 24 au 26. Donc là, sur la feuille, ils ont mis la photo de tous les participants à cette conférence-là. Et c'est une brochette de Hizdiyin, de Mubtadi'a et de gens de toutes catégories. Hein? Il est déjà allé là-dedans, oui. Et ça, c'est un des trucs qu'on a critiqué Bilal Phillips à ce sujet-là, du fait qu'il participe avec tout le monde et il ne fait pas de distinction dans le fait de participer avec des associations ou des groupes qui sont souvent contre la sunna. Parce que ces gens-là, c'est pas juste qu'ils sont, disons... Parce que, comme les ulama, ils expliquent souvent, soit que t'es pour la sunna ou t'es contre. Tu peux pas dire, par exemple, je suis neutre. En réalité, si t'es neutre, en réalité, c'est-à-dire que t'es contre. Parce que c'est pas suffisant de dire, j'aime la sunna, puis de dire, de s'arrêter là. Il faut pas seulement aimer la sunna, mais il faut en même temps détester la bid'a. Si quelqu'un dit « moi j'aime la sunna », mais qu'en même temps il aime la bid'a, et qu'il défend la bid'a, en même temps qu'il prétend aimer la sunna, ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment la sunna, réellement. Et ces gens-là qui sont dans cette organisation-là, il y a des gens qui disent des choses qui sont vraiment dangereuses, contraires à l'islam. Al-Habib al-Jifri, ah non, ça, lui il est un ennemi déclaré du tawhid. Lui, il se moque du tawhid, puis il se moque des ulama qui appellent au tawhid, et pour lui, adorer les awliya, puis les aller à leur tombe, chercher la baraka des morts, pour lui, ça, c'est pas de shirk, et c'est pas contraire à l'islam. Le mufti de l'Égypte, il est invité aussi, Ali Jum'a, et lui, carrément, il dit, oui, c'est permis de prier dans les mosquées où il y a des tombes, et c'est permis de construire par-dessus. Il n'y a pas de problème, et non seulement il dit ça, mais il se moque de la personne qui pose la question, est-ce que c'est permis, il se moque de ça, et il commence à essayer d'amener des shubuhat pour essayer de montrer que c'est permis, sans parler des autres, l'autre là, Hamza Youssef, il est très connu, oui lui aussi c'est un soufi, il a étudié en Mauritanie avec les soufiines. Et Jamal Badawi, c'est un moderniste connu. Il y a d'autres qui sont, je pense que ce ne sont même pas des musulmans. Chris Edge et John Ralston, Saoul. Bon, lui non plus, je ne crois pas que c'est un musulman. Mais des fois, ils invitent des non-musulmans pour parler. Hein, ça s'appelle montrer qu'ils sont ouverts. Puis il y en a des femmes aussi qui donnent des discours devant les hommes. Hein, comme Aisha Al-Adawiya, une noire américaine, puis l'autre c'est Amina Jandali, je la connais pas, mais bon. Et il y a l'autre, Amr Khalid, et Suleiman Niang. Suleiman Niang, c'est un Sénégalais, et il fait partie des Ikhwan aussi, mais lui il s'est converti au Shia, à la religion des Shia, donc... Abdullah Idriss, je le connais, c'est un Soudanais, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, puis c'est ça. C'est étonnant de voir ces gens-là qui prennent souvent les références des ulama de Ahl-Sunnah, comme Ibn Taymiyyah. Abdullah Idriss, souvent je l'ai vu se référer à Ibn Taymiyyah, puis malgré tout, il ne fait pas de distinction entre la Sunnah et la Bid'a et tout. Zayd Shakir, la même chose. je pense que c'est un professeur de politique, sciences politiques aux États-Unis. Puis c'est ça, donc il y a un mélange un petit peu de tout là. Junaid Jamshed, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, si c'est un chanteur ou quoi. En tout cas, cette année, ils ont fait moins de publicité que les années précédentes. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui les ont critiqués pour les choses qu'ils font dans le passé. Mais bon, en tout cas, c'est un... Ouais, c'est toujours à Toronto. Ah, c'est comme un gros spectacle. Je l'ai amené juste comme ça parce que quand je les trouve au centre-ville, des fois à la moussale de Concordia, je trouve des pamphlets comme ça, je les jette aux poubelles. Parce que c'est grave. En tout cas, ils devraient changer le nom. Au lieu d'écrire Reviving the Islamic Spirit, ils devraient écrire Killing the Islamic Spirit. Parce qu'ils sont en train de tuer l'islam là, en faisant ça. Allah Musta'an. Donc on va commencer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 8 dans le livre الدرر الذهبية في أصول ومنهاج الدعوة السلفية. Pas de problème, inshallah. Donc, les perles d'or dans l'explication des fondements et de la méthodologie de la da'wah salafiyya. Et donc, c'est le cours 8, et on est arrivé dans l'explication des différents points qui ont rapport avec la da'wah et des caractéristiques de la personne qui appelle à l'islam qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit posséder, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il doit posséder certaines caractéristiques et certaines qualités. Parmi ces qualités, on en a mentionné 14 jusqu'à maintenant, donc là on est rendu au point numéro 15. Le cheikh il dit an tajtanib alwasail wal asbab allati tushawwih ad-da'wa wa tasuddu an-nas 'anha kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam لما امتنع عن قتل المنافقين فعن جابر في الصحيحين والمسند معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. Donc le point numéro 15, c'est de s'écarter et d'éviter les moyens et les causes qui peuvent salir la da'wah ou donner une mauvaise image à la da'wah et qui peut faire en sorte que les gens soit, disons, repoussés de cette da'wah. Ils ont plus envie de rentrer dans l'islam ou dans la sunna à cause de certaines actions ou certaines paroles ou des choses qu'on peut faire qui vont donner à la da'wah une mauvaise image. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi quand on fait la da'wah, d'essayer de toujours prendre en considération les conséquences et les répercussions de nos gestes et de nos paroles pour être sûr que ça ne peut pas nuire à la da'wah et nuire à l'islam. Donc pour pas que les gens par la suite s'enfuient de cette da'wah à cause de nos comportements. Et le cheikh il donne un exemple du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était empêché ou retenu de tuer les munafiqines à son époque, et il est rapporté selon Jabir dans Al-Bukhari Muslim et dans la Musnad de l'imam Ahmad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah me protège du fait que les gens commencent à dire que je tue mes propres compagnons. Hein? Donc, les munafiquns, il n'y a pas de doute que certains d'entre eux méritaient l'exécution du fait que certains d'entre eux disaient des paroles de kufr ou faisaient des choses qui sont kufr et qui s'opposent à l'islam et qu'ils faisaient du tort à l'islam. De plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur nom et il savait qui ils étaient, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé l'identité des munafiqins. Donc pour les sahaba en général, les sahaba savaient pas qui est un munafiq, qui est pas un munafiq de façon certaine. Ils pouvaient reconnaître certaines caractéristiques ou certains comportements ou certaines paroles qui sont des paroles des munafiqins et des actions des munafiqins qui sont décrites dans le Coran et dans la Sunna. Mais de façon précise, savoir qui est un munafiq et qui n'est pas un munafiq, il ne pouvait pas le savoir exactement. À part Huzaifa, radiallahu anhu, Huzaifa ibn al-Yaman, lui, il pouvait le savoir puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la liste des noms des munafiqins. Donc, Huzaifa, il savait exactement qui était munafiq, qui n'était pas munafiq, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la liste des noms. À part lui, il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait le nom des munafiqines. Donc quand il voyait les gens, il savait si c'était un munafiq ou si c'était un croyant sincère. Toutefois, le reste des croyants, en général, on ne peut pas savoir qui est un munafiq, qui n'est pas munafiq, parce que le munafiq, il montre son islam, mais il cache sa mécréance dans son cœur. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de juger par l'apparence extérieure. D'accord? Et les munafiqines méritaient d'être exécutés, sauf que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait tués à cette époque-là, on les avait fait exécuter, les gens qui sont pas musulmans, les mushrikines, qui regardent les choses de l'extérieur, eux, ils comprendraient pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exécuter ceux-là. Les gens auraient commencé à dire, regardez, il tue ses propres compagnons. Est-ce qu'on va rentrer dans cette religion-là, puis après elle va nous tuer, hein? Donc, pour éviter ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retenu de le faire. Donc, il s'est retenu de faire un bien pour éviter un plus grand mal. Et ça, c'est une des règles parmi les règles de la charia, parmi les principes. Les ulama, ils ont expliqué dans les règles de la charia que il faut dar'ul mafasid, ils disent dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih, c'est-à-dire que de repousser un mal, ça a précédence sur le fait de ramener quelque chose de bien. D'accord? Donc si tu vois que tu vas faire quelque chose qui est bien, mais qu'en faisant ce bien-là, tu vas ramener quelque chose de plus grand dans le mal, dans ce cas-là, tu dois t'abstenir de laisse tomber ce bien, puisque le mal qui vient avec est plus grand que le bien. Donc, il faut savoir peser les conséquences et les répercussions de nos œuvres, de nos actions, de nos paroles. Puis, si on voit que, quand on pèse le pour et le contre, le bien et le mal, on voit que le mal qui est dedans est plus grand que le bien, laisser ça de côté, tu vois. Et ça, bien entendu, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile à faire. Et des fois, il y en a des gens qui sont vite à juger. Il y en a des gens qui sont vite à juger, et parfois ils jugent la maslaha et la mafsada, ils jugent le bienfait et le méfait des conséquences ou des répercussions d'une action selon leur raison. Et parfois donc, ils vont considérer quelque chose comme étant une maslaha, alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement une maslaha. Et ils vont considérer parfois quelque chose comme étant une mafsada pour l'islam, pour la da'wah, alors qu'en réalité c'est pas une mafsada. C'est pour cette raison-là que, premièrement, quand on parle de maslaha et de mafsada, il faut comprendre que ça doit être une maslaha selon la sharia. Et ça doit être une mafsada selon la sharia. C'est-à-dire pour déterminer ce qui est une maslaha et une mafsada, on se réfère à la sharia et non pas seulement aux intérêts de la dunya. Hein? Parce qu'il y en a des gens parmi les gens de Hezbiya ou bien les gens de Bid'a ou des gens même parfois parmi les ignorants qui sont parmi les gens d'Ahl Sunnah mais qui ont peu de science ou de compréhension. Ils vont par exemple déterminer que quelque chose fait partie des maslaha ou des mafasid ou des masalih uniquement par rapport à des éléments de la dunya et des intérêts de la dunya. Puis ils ne jugent pas selon la charia. Hein? Et surtout les Hezbiyyin, quand ils parlent de l'intérêt de la da'wa, et ils disent ça c'est pour l'intérêt de la da'wa, souvent c'est pas pour l'intérêt de la da'wa, c'est pour l'intérêt de leur hizbiya, de leur groupe à eux, qui prétendent que c'est pour le bien de la da'wa. Donc, il faut bien faire attention à ces choses-là, et de savoir que l'intérêt de la da'wa et les mafasid et les masalih doivent être déterminés par la charia. Et s'il y a une divergence entre les gens au sujet de ces choses-là, c'est pas entre nous qu'on doit se disputer pour dire non, ça c'est pas correct, ça c'est correct. Mais c'est de le ramener aux ulama, de le ramener aux hommes de science, pour que eux tranchent pour savoir qu'est-ce qui est une maslaha, qu'est-ce qui est une mafsada. Puisque celui qui peut savoir ça, c'est celui qui connaît la charia, et personne connaît mieux la charia que les ulama de l'islam. Donc, souvent il y a des gens qui sont rapides à trancher ou à juger selon leur compréhension limitée. Toutefois, ils refusent de ramener les questions aux ulama. Et c'est ça parfois qui cause de la fitna entre les frères. Parce que, par exemple, on peut tous les deux être d'accord sur le fait que telle chose, c'est correct et ça fait partie de l'islam et que c'est bien. Hein? Il y en a un frère, lui, il dit il faut expliquer ça et parler de telle chose. Hein? Par exemple, il faut expliquer aux gens le danger des mubtadi'a et de tel individu, il faut citer son nom. L'autre, il va dire, c'est-à-dire, il est d'accord sur ça, sur le principe, sur le fait que oui, un tel, c'est un mubtadi' et que les gens sont influencés par lui et qu'il faut mettre en garde. Sauf que pour lui, c'est pas un bienfait de mentionner son nom, puisque ça peut causer plus de tort, peut-être que ça va faire fuir les gens ou des choses de ce genre. Donc, dans des cas comme ça, tous les deux sont d'accord sur la base, sur la question, sur le principe de base, sur le fait que cet individu-là, il est égaré et que ce qu'il enseigne, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Sauf qu'il y a un problème de divergence entre eux sur le fait que est-ce qu'il faut citer son nom quand on met en garde devant les gens ou bien il ne faut pas le dire. Parce que si on le dit, peut-être les gens ils vont pas comprendre pourquoi et ils vont penser que on est en train de parler dans son dos ou d'essayer de montrer ses défauts aux gens. Puis ils vont dire qu'on fait de la médisance ou de une riba ou des choses comme ça. Tandis que les autres ils disent non, il faut leur expliquer que dans des cas de mise en garde, dans le sens qu'on veut donner la nasiha aux musulmans, c'est important de mettre en garde et de mentionner même parfois le nom de l'individu pour que les gens sachent le danger qu'il y a dans certaines de ses idées ou dans certaines de ses paroles. Et on peut pas arriver à réellement mettre en garde correctement les gens contre ces choses-là, excepté si on mentionne son nom de façon explicite. Et d'expliquer aux gens que ça rentre pas dans le riba, et ça rentre pas dans le namima, parce que ça fait partie d'une obligation de la charia de mettre en garde, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et de donner la nasiha. Et dans ce cas-là, même si on considère que qu'il y a un mal dedans, le bien qui en découle est plus grand que ce mal-là. Puisque au moins les gens par la suite vont être avertis, et ils vont pas pouvoir se faire tromper ou se laisser tromper facilement par ces idées-là ou par ces individus-là. Donc, de peser le pour et le contre, c'est pas toujours facile. Et c'est pour cette raison-là que c'est toujours bon de voir ou de retourner aux ulama. Il y en a qui vont, parmi les ulama, il y en a qui vont expliquer ou qui vont clarifier que dans certaines situations, dans certaines circonstances, le mieux c'est justement de pas nécessairement citer les noms. Ils vont dire, par exemple, bon, si vous êtes des salafis dans une ville et que vous n'êtes pas nombreux et que vous n'avez pas de force dans le sens que vous n'êtes pas suffisamment nombreux puis que vous n'avez pas beaucoup de gens qui supportent la sunna autour de vous, dans ce cas-là c'est peut-être mieux de ne pas citer les noms pour éviter justement que les gens de bid'a se retournent contre vous, puis vous fassent du tort. Tandis que si vous êtes dans une autre ville où les gens d'Ahl Sunna et les gens qui aiment le haq sont très nombreux et que vous avez beaucoup de supporters, là vous pouvez dire haut et fort la vérité et clarifier les noms des individus qui appellent à l'égarement et les réfuter et clarifier leurs mensonges ou leurs faussetés. Et dans ce cas-là, vous pouvez citer les noms puisque vous savez que personne n'osera s'attaquer à vous. Parce que dans certains pays ou dans certaines villes, c'est souvent arrivé que des gens de bid'a essaient de tuer les gens d'Ahl Sunna. Et, ou bien pas seulement de les tuer, mais parfois de les frapper ou de les faire, leur faire du tort, physiquement. Hein? Et à certaines fois même, comme par exemple, il y a un cheikh Ihsan Ilahi Zahir, c'est un exemple, c'est un alim, un cheikh, un mujahid, il est mort shahid, inshallah, on espère que Allah accepte qu'il soit un martyr pour la cause de l'islam et de la sunna. Il a écrit des nombreux livres pour réfuter les rafidahs et pour réfuter les différentes sectes comme les qadianiyya et d'autres également. Et dans ces livres, il est vraiment clair et en tout cas pour dire qu'il a vraiment travaillé fort pour réfuter beaucoup de gens d'égarement. Et les Shia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, ils donnaient une conférence, et puis, à l'endroit où ils faisaient la conférence, ils ont mis une bombe à l'intérieur d'un pot de fleurs où ils donnaient la conférence, et ils l'ont fait sauter durant la conférence du Cheikh, et il est mort à cause de ça. Et l'enregistrement de cet événement-là, elle est présente. On l'a cet enregistrement-là le jour de l'explosion, et on a même enregistré l'explosion et tout, qu'est-ce qui s'est passé après, les cris et tout. Donc c'est pour dire, alhamdulillah, qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a intercédé dans le sens que auprès du roi Fahad, pour que il soit rapatrié, son corps soit rapatrié à Mecca ou à Al-Madina, pour qu'il soit enterré dans Al-Baqi'a. Et on a fait la janaza sur lui, et tout ça parce que c'est quelqu'un qui faisait la da'wa et appelait à la sunna et réfutait les gens de bid'a et faisait le jihad de cette façon-là. Et l'imam Ahmad, il dit dans ses paroles qui ont été rapportées à son sujet, que la personne qui réfute les gens de bid'a, il est un mujahid. La personne qui réfute les gens de bid'a, il est considéré comme un mujahid. Hein? Et son jihad, c'est plus grand que ce jihad contre les gens de bid'a, c'est plus grand que de faire des nawafil ou bien de faire des prières surérogatoires ou des choses de ce genre. Donc ça fait partie du jihad. Et s'il est mort en réfutant les gens de bid'a comme ça, à cause de ça, donc inshallah, on espère qu'il sera un martyr à cause de ça. Et il y a d'autres exemples de d'autres chouyours à notre époque qui ont été frappés ou battus ou blessés à cause du fait qu'ils appellent au Coran et à la Sunna, comme par exemple l'exemple du Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, en Arabie Saoudite. Une fois, il est allé à Riyad et il a donné une conférence sur la Sunna, et des Hezbiyens qui étaient présents là-bas ont fermé la lumière et puis ils sont sautés dessus pour le frapper. Et ça aussi, ça a été enregistré. Et il y a aussi l'exemple du Cheikh Saleh al-Suhaimi quand il était allé à Qassim. Il est parti là-bas, puis encore là, les Hezbiyins, pendant la conférence, Cheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad était là avec le Cheikh Saleh al-Suhaimi qui est aveugle. Ils sont sautés dessus, ils ont sauté sur eux, et ils ont même fait tomber ses lunettes. Donc c'est pour montrer à quel point les Hezbiyins sont dangereux parfois. Je me souviens, dans l'audio de cet enregistrement, de cette conférence justement, à chaque fois que le cheikh commençait à parler, eux, ils commençaient à faire des aboiements comme des chiens, pour faire du bruit, pour empêcher le cheikh de parler. Donc ça, c'est des exemples, comment ces gens-là se comportent envers les gens de la sunna. Donc c'est pour ça que c'est important parfois d'être prudent, puis de faire preuve de sagesse pour éviter justement ces choses-là. Donc ça c'est des exemples, et éviter donc, comme Cheikh il dit, de faire des choses qui peuvent ramener des conséquences mauvaises. Mais de toute façon, alhamdoulilah, le fait que ces gens-là agissent comme ça parfois, ça montre leur vrai visage. Ça montre leur vrai visage, puis ça montre en même temps, ça a montré à beaucoup d'autres ulama qui n'étaient pas au courant de l'égarement de ces gens-là, ça leur a fait comprendre l'égarement de ce que ces gens-là avaient dans leur cœur contre la sunna, la haine qu'ils avaient contre la sunna, et ils ont pris par la suite des positions beaucoup plus tranchantes et beaucoup plus claires au sujet de ces groupes-là et de ces individus-là. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 16, أن تكون قدوة لغيرك في عمل الخير والدعوة إليه. قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما واجتناب أخلاق المنافقين. Donc le point numéro 16, ça c'est important aussi, c'est que la personne qui fait la da'wa, il doit essayer d'être un exemple et un modèle dans les bonnes œuvres et dans le fait d'appeler aux bonnes œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Furqan, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. C'est-à-dire, fais de nous des guides pour les pieux. Fais de nous des guides pour les pieux. Et d'éviter les comportements et les caractères des hypocrites. Donc ça, c'est très important aussi. Allah al-Musta'an. Et donc, il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des modèles dans le bien. Et le cheikh il dit dans le point numéro 17, التواضع وترك الكبر وقول الحق والتسليم له وقبول الحق والتسليم له وإياك أن تكون ممن وقع في الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وبطر الحق الزهد به وغمط الناس احتقارهم وازدراءهم. Donc le cheikh explique que une des caractéristiques de la personne qui fait la da'wa, il faut qu'elle fasse preuve d'humilité. Il faut qu'elle fasse preuve d'humilité et qu'elle ne soit pas fière, orgueilleuse ou arrogante avec les autres. Et il faut également qu'elle accepte la vérité et qu'elle s'y soumette. Et le cheikh il dit, prends garde de tomber dans l'orgueil, la fierté et l'arrogance. Al-kibr. Parce que, c'est une des caractéristiques des munafiqines, et c'est un très laid comportement ou attitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini al-kibr. Il a défini l'arrogance et la fierté en disant que c'est de refuser la vérité et de mépriser les gens. Donc ça implique quoi? Ça implique que tu dois pas faire preuve d'orgueil, d'arrogance et de fierté, et tu dois accepter la vérité peu importe de qui la vérité te vient. C'est pas seulement si c'est quelqu'un que toi tu considères comme étant quelqu'un de grand ou d'important que tu l'acceptes qu'est-ce qu'il dit, mais quand ça vient la vérité de quelqu'un que tu reconnais pas ou que tu n'aimes pas, ou que tu considères plus bas que toi, là tu dis non, je n'accepte pas de lui. La vérité, tu dois l'accepter de qui elle vient, peu importe si c'est un enfant de 5 ans, ou si c'est un adulte, ou si c'est une personne âgée, si c'est quelqu'un plus beau, plus laid, plus riche, plus pauvre, noir ou blanc, rouge, jaune. Peu importe de qui elle vient, que ce soit un arabe, un non-arabe, un chinois, n'importe qui, depuis que c'est le haq, tu dois l'accepter. Parce que c'est le haq. Et tu ne dois pas faire preuve d'orgueil, d'arrogance et de fierté. Ça c'est grave, c'est une caractéristique très très dangereuse de faire preuve d'orgueil. Et c'est la base du kufr, le rejet de la vérité et de mépriser les gens, c'est le péché de Iblis. Donc il faut faire très attention à cette caractéristique là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté donc cette parole dans le sunan de l'imam Abi Daoud selon Abi Huraira que de faire preuve d'orgueil et d'arrogance c'est de rejeter la vérité et ramdunna, ça veut dire de mépriser les gens, de les regarder de haut et de les voir bas. Donc ça c'est pas correct. Le point numéro 18, أن تدعو الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا حسب استطاعتك كما كان حال نوح عليه السلام. Le cheikh explique que dans le point numéro 18, que la personne qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit appeler les gens nuit et jour, en privé, hein, en secret ou ouvertement, selon sa capacité, comme le faisait Nuh alayhi salam. On voit ça dans sourate Nuh. Nuh, il dit "Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara." Donc il faut faire tous ces efforts là comme Nuh a fait, et même que dans sourate Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que chaque fois que j'appelle les gens pour que tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Et ils se couvraient avec leurs vêtements. Et ils s'enflaient d'orgueil et refusaient d'accepter la vérité. Donc, malgré tout ça, ils continuaient à les appeler pendant 950 ans. Après, le cheikh, il dit dans le point numéro 19, « أن يربط الناس بالسلف الصالح ويحببهم إليهم » وأن لا يكون كالحزبيين حيث ربطوا الناس وخصوصا الشباب برموز ثورية حزبية وعقدوا عليهم الولاء والبراء. Le point numéro 19, et c'est le dernier point qui est mentionné dans la série des caractéristiques de la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que on doit rattacher les gens au salaf salih, rattacher les gens à nos salaf, et de faire en sorte qu'ils aiment les salaf, et non pas de faire comme font les hizbiyin, de les rattacher, de rattacher les gens à des symboles de révolution, des symboles révolutionnaires ou des symboles d'un parti islamique ou d'un groupe islamique, autour duquel ils ont accroché ou rallié le fait d'aimer et de détester. Donc c'est-à-dire que pour eux, les bases sur lesquelles on s'établit pour aimer et détester, c'est pas le Coran et la Sunna, c'est pas l'Iman, c'est pas la voie des salafs. Eux, ils aiment ceux qui aiment leur groupe et leur prêcheur et leur fondateur, et ils détestent ceux qui détestent leur groupe et leur fondateur et leur prêcheur. Donc, même si le fait de détester ces groupes ou ces individus-là ou ces symboles est justifié par le Coran et par la Sunna, même si le fait de doit donc ils prennent pas les textes de la révélation en considération dans les questions de wala et de bara, ils aiment selon le groupe et ils détestent selon le groupe. Si leur chef ou le chef du groupe dit détester cette personne, il déteste cette personne, même si c'est quelqu'un qui est sur le haq. Et si le chef de ce groupe dit aimer cette personne, ils vont l'aimer, même si cette personne est en opposition avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf salih. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir chez ces gens-là que peu importe qu'est-ce que cette personne a commis comme contradiction au Coran et à la Sunna, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme égarement, ils vont toujours le défendre. Ils vont aller jusqu'à la limite pour le défendre. Peu importe qu'est-ce qu'il dit, peu importe qu'est-ce qu'il fait, du moment qu'il est avec eux, ils le supportent jusqu'au bout, même dans qu'est-ce qui est contraire à l'islam, même qu'est-ce qui est contraire au tawhid. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leur groupe, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme bien, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme défense de la sunna et du tawhid et de l'islam, ils le détestent et ils le rejettent complètement. Ils n'ont aucune pitié pour les gens qui appellent aux bases de l'islam s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-hizbiyya. C'est ça, al-hizbiyya. Hizbiyya, souvent, des fois, on dit, ah, ça, c'est des hizbiyyin, ou ça, c'est des gens de hizb. Et les gens, ils disent, mais c'est quoi les hizbiyyin? C'est quoi les hizbiyya? Ou c'est quoi la hizbiyya? Ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et al-hizbiyya, c'est quoi? C'est, on va l'expliquer parce que le prochain chapitre, c'est à ce sujet-là. Mais al-hizbiyya, juste pour résumer, c'est, ça vient du mot hizb en arabe, et le mot hizb, ça veut dire un parti. Hein? Le mot hizb en arabe, ça veut dire un parti. Et quand quelqu'un prend, en réalité, on doit tous faire partie d'un seul hizb. En tant que musulman, on doit tous faire partie d'un seul hizb. Et ce hizb-là, c'est quoi? C'est le hizb de l'islam. C'est ça notre hizb. Et ce hizb, il est basé sur quoi? Sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des salaf al-salih. Donc ça, c'est le seul hizb auquel un musulman a le droit d'appartenir. Ok? Tout autre hizb qui vient avec quelque chose qui veut séparer les musulmans de ce hizb, hein, alors il a appelé à un égarement. Il a appelé à une bid'a. Comme par exemple, il a été un groupe qui appelle à des bases ou à des fondements dans la compréhension de l'islam ou dans la sunna qui sont en opposition avec les bases et les fondements de Ahl al-Sunna wal-Jama'a et qui appellent les gens à ça, à se rattacher à ça, alors on dit que ça c'est un hizb qui est contraire à la vérité, qui s'oppose au principe de l'islam et donc c'est rejeté. Et on va élaborer un peu plus là-dessus dans le chapitre qui suit. Peut-être qu'on va pas commencer peut-être aujourd'hui, peut-être au prochain cours, inshallah. Mais pour donner une idée, c'est ça le hizbiyya, c'est de se rattacher à des gens ou à des individus qui ont comme fondement ou comme principe des choses qui viennent en opposition avec les fondements et les principes des salaf al-salih et des gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on a terminé d'expliquer les descriptions de la personne qui doit faire la da'wa. Donc, on va expliquer maintenant autre chose. C'est la question de al-mujadala. Yani le fait de discuter ou de débattre ou d'argumenter avec les gens de l'égarement ou avec des kuffars pour leur donner des preuves pour les convaincre que l'islam c'est le haqq et que la sunna c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-mujadala? Mal maqsoud bi uslub al-mujadala. Et il dit al-jadal huwa muqabalatu al-hujjati bil-hujja wa kashf ash-shubah lada al-khasm. وهذا واضح في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وهذا الكشف للشبه وبيان الأدلة على إطراحها والاحتجاج بالأدلة المقنعة للخصم هي مادة الجدل. Donc le cheikh explique que al-jadal en arabe c'est d'opposer chaque argument par un argument, de détruire tout argument par une preuve, et de démasquer ou de dévoiler les faux arguments qui sont ramenés par les opposants. Donc si les opposants ramènent des choubouhats ou des choses qui paraissent vraies, mais qui sont des ruses ou des faussetés, qui paraissent vraies parfois pour certains, donc c'est de montrer les erreurs qu'il y a dans ces arguments-là pour faire paraître la vérité de façon claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'argumenter avec les juifs et les chrétiens et les mushrikines et les kuffars en général de cette manière-là en plusieurs versets dans le Coran, comme par exemple dans le verset « وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ». Ça c'est le verset dans surat je ne me rappelle plus dans quel verset. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. C'est dans surat al-Ankabut, si je ne me trompe pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, invite les hommes au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec la bonne exhortation. Et argumente avec eux de la meilleure manière. Et ton Seigneur est certes plus savant de celui qui s'égare de son chemin, et il connaît mieux, et il est également plus savant de celui qui est bien guidé, ou de ceux qui sont bien guidés. Et on va lire l'explication de ce verset-là en détail avec le charh de tafsir de l'imam Cheikh Sa'di, parce que le Cheikh il l'a mentionné, mais c'est juste pour faire comprendre aussi avant que, donc, de débattre et d'argumenter de la meilleure manière, ça consiste également de, comme on a dit, de dévoiler les faux arguments que ces gens-là ont ramenés et d'expliquer yani les preuves de façon développée et d'argumenter avec des éléments et des preuves convaincantes pour ramener l'opposant à la vérité. C'est ça le but, de faire ce qu'on appelle al-jadal. Toutefois, il faut distinguer entre qu'est-ce que les gens de bid'ah appellent jadal, hein, et qu'est-ce que nous on considère comme étant jadal, comme c'est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à argumenter avec les gens de bid'ah, avec adil, avec preuve, basé sur le Coran et basé sur la sunna, et également aussi basé sur la raison aussi même. On peut ramener parfois des arguments de la raison, comme c'est mentionné dans le Coran. Toutefois, qu'est-ce qui est arrivé à travers l'histoire parfois, c'est que certains d'entre les groupes d'égarement et les gens de bid'ah, ils ont ramené comme méthode d'argumentation la méthode des Grecs, hein, la dialectique aristotélicienne, ou bien d'autres méthodes de débat, d'argumentation basées sur la logique d'Aristote ou d'autres idées comme ça. Puis ils pensent que c'est ça la meilleure façon de prouver les arguments dans les désaccords ou dans les discussions ou dans les débats. Et bien entendu, c'est pas cette méthode-là qui est mentionnée dans le Coran quand on parle d'argumenter ou de débattre avec les gens du livre ou avec les kuffar et les mushrikin, puisque cette méthode des Grecs, c'est pas cette méthode-là qui était employée par les messagers d'Allah, et c'est pas cette méthode-là qui était employée par les prophètes, hein. Donc il faut comprendre, même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit des livres justement pour réfuter cette méthode aristotélicienne et pour montrer qu'il y a des failles dedans, qu'elle n'est pas nécessaire ni utile. Parce que certains parmi les penseurs islamiques ou les philosophes ou les mutakallimin, parmi eux, il y en a qui pensent que c'est d'utiliser cette logique grecque-là, c'est obligatoire ou nécessaire, et qu'on ne peut pas atteindre la vérité sans cette méthode-là. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il leur a prouvé que non seulement on peut atteindre la vérité avec celle-là, sans cette méthode, on peut atteindre la vérité, mais que on peut complètement s'en passer, et que même que si on utilise cette méthode-là, eh bien, il y a beaucoup de failles dedans, et que il y a beaucoup de d'égarements, et il l'a prouvé dans son livre, par exemple, Naqd al-Mantiq, et Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyin, et dans d'autres de ses livres également. Donc ça, c'est juste pour donner un point en passant, pour expliquer que la majorité des salaf al-salih, ils ont blâmé et condamné et critiqué la voie et la méthode qu'on appelle la voie des gens de kalam, et la voie des ashab al-ra'i wal-kalam, et ceux qui utilisent ces méthodes soi-disant philosophiques pour débattre. Donc, pour revenir maintenant aux paroles du Cheikh, il dit, يقول الشيخ السعدي في تفسيره ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة, أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. Donc le cheikh, il dit, dans le vers, il cite le verset, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon. Ton Seigneur est certes plus connaissant de celui d'entre eux qui s'est égaré de son chemin et il est plus connaissant de ceux qui sont bien guidés. C'est-à-dire, le cheikh il dit, c'est-à-dire que ton appel à la créature, lorsque tu invites les créatures, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils soient musulmans, musulmans ou kafirs, ton invitation doit être du fait de les appeler et de les inviter au chemin de ton Seigneur. Tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les appelles au chemin de ton Seigneur qui est le droit chemin, qui comprend la science qui est bénéfique et utile et les bonnes œuvres, les œuvres qui sont bonnes. Avec sagesse. Avec sagesse, ça veut dire que tu vas parler à chacun d'entre eux selon son état, selon sa compréhension, hein, et selon son niveau d'acceptation et de soumission. Donc tu ne peux pas parler ou inviter les gens à Allah, tout le monde de la même manière. Dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension non plus, ou c'est pas même tout le monde qui a la même capacité de comprendre. Donc, il faut savoir comment s'adresser à chaque personne de la façon qui lui convient. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-hikmah. Al-hikmah, c'est la sagesse. Et donc, le cheikh dit, وَمِنَ الْحِكْمَةِ الدَّعْوَةُ بِالْعِلْمِ لَا بِالْجَهْلِ وَالْبِدَايَةُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَبِالْأَقْرَبِ إِلَى الْأَذْهَانِ وَالْفَهْمِ وَبِمَا يَكُونُ قَبُولُهُ أَتَمُّ وبالرفق واللين. Donc le cheikh il dit parmi les exemples de qu'est-ce que consiste ou en quoi consiste la sagesse, al-hikmah, c'est que tu invites les gens avec science et non avec ignorance et que tu débutes ton invitation par les choses qui sont les plus importantes en premier, puis tu descends comme ça ainsi de suite, tu descends vers les choses qui sont moins grandes en importance. Donc, on a expliqué dans plusieurs cours que le plus important, c'est l'aqida. Donc, tu commences par ça. Et tu descends par la suite vers les autres éléments de la religion. Ensuite, il dit, « بالأقرب إلى الأذهان والفهم » C'est-à-dire, tu essaies de rapprocher les choses de l'esprit des gens et de leur compréhension. Tu ne leur ramènes pas des exemples ou des choses qui sont très très loin de leur esprit ou de leur compréhension. Tu commences avec des choses simples, des choses proches. Hein? Si tu vas parler par exemple à un fermier, tu vas lui ramener des arguments ou des preuves ou des exemples, des choses qu'il connaît, qui sont autour de lui. Et si tu vas parler avec un médecin, tu vas lui ramener des choses qui sont proches de lui pour qu'il comprenne. Et si tu parles avec un paysan ou n'importe qui, tu parles avec chacun selon ce qu'il connaît et selon ce qui lui convient, ce qui va le ramener à la vérité. Et il y a des gens, parfois, ils ne savent pas comment gérer ces choses-là. J'ai vu des fois des frères qui parlaient à des non-musulmans pour les appeler à l'islam. Ils ne faisaient pas de distinction ou ils ne regardaient même pas c'était quoi la position de la personne au sujet de quelque chose. Il lui donnait un discours ou il lui répétait des paroles de façon automatique comme ça qu'il avait apprises. Hein? Et il ne regardait pas c'était quoi sa position avant de commencer à lui expliquer ces choses-là. Et donc, en faisant ça, c'est pas logique. C'est pas logique d'agir comme ça, puis on va le voir. On va expliquer pourquoi par la suite. Le cheikh, il en parle. وَبِمَا يَكُونُ قَبُولُهُ أَتَمْ. Donc tu vas lui parler d'une façon qui va faire en sorte que l'acceptation de la personne va être plus grande. Et également, parmi les choses qui font partie de la sagesse, wa alaykum salam wa rahmatullah, parmi les choses qui font partie de la sagesse, c'est d'utiliser de la douceur et de la gentillesse lorsque tu t'adresses aux gens. Parce que si tu commences à les insulter ou à leur crier dessus ou des choses de ce genre, bien entendu, les gens ne vont pas accepter. Après, le cheikh il dit, فَإِنْ قَادَ لِلْحِكْمَةِ وَإِلَّا فَلْيَنْتَقِلْ مَعَهُ إِلَى الدَّعْوَةِ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادها وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. Donc le cheikh il dit, si la personne se soumet à la sagesse, il accepte la sagesse, alors alhamdulillah, dans ce cas-là, c'est ça l'objectif, c'est ça le but que la personne accepte. Il a accepté avec les exemples et avec la sagesse. Alhamdulillah, donc ton objectif est atteint. Si la personne, ça ne lui suffit pas de la sagesse, donc tu passes à un autre degré avec lui. Et tu vas lui faire la da'wa par la bonne exhortation. C'est-à-dire, tu vas lui parler de l'ordre et de l'interdiction qui est rattaché avec les choses que tu vas lui mentionner qui vont l'inciter à faire le bien ou qui vont lui faire peur de faire le mal ou de faire ce qui est haram. Donc tu vas lui parler de ce qui est interdit, de ce qui est ordonné, puis tu vas lui parler des choses qui vont l'inciter à faire le bien et qui vont lui faire peur de faire qu'est-ce qui est interdit. Soit, le cheikh dit, soit parce que tu vas lui mentionner les ordres d'Allah et tu vas mentionner les bienfaits qui sont rattachés à cet ordre-là. Comme par exemple, si tu vas lui parler du bienfait de faire la salat, ben tu vas lui parler de la salat et de l'ordre de la salat et du bienfait qui est rallié à ça. Tu fais que tu vas lui dire que, écoute, si tu fais la salat, eh bien, sache que quand tu fais le wudu déjà, hein, ça t'efface beaucoup de tes péchés. Hein, c'est une ibada et les péchés tombent avec l'eau. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand tu fais ta salat, quand tu fais ton wudu, c'est comme si tu vas, quand tu fais ta salat, c'est comme si tu allais 5 fois à une rivière pour te devant chez toi pour te nettoyer. Donc tu ressors propre. Hein, donc c'est ça la prière, l'effet de la prière sur ton cœur et sur ton corps. Et ensuite tu lui expliques que chaque fois que tu marches vers la mosquée, hein, tu vas à chaque pas t'élever d'un degré, puis tu vas être pardonné d'un péché en même temps, puis que le fait que tu attends la prière, il y a des récompenses à ça, puis ensuite lorsque tu pries en jama'a, en plus de ça il y aura 25 fois 26 fois le degré de, hein, 27 fois 27 fois la récompense de prier par rapport à celui qui prie tout seul. Hein, et tu vas lui expliquer également les récompenses après la prière, quand tu fais les azkar, quand tu sors de la mosquée, et ainsi de suite. Toutes les hasanat que tu fais et tout le bien qu'il y a là-dedans. Donc, ça, c'est des exemples. La personne, elle entend ça et dit « Ah oui, c'est vrai, franchement. Hein? » Puis, tu lui mentionnes également le fait, par exemple, du danger de faire les péchés. Et les conséquences négatives de ça. Et tu lui énumères les différents exemples. Puis là, la personne elle entend ça, et là, elle commence à avoir peur. Hein? Même si c'est pas une personne qui est religieuse, même si c'est pas une personne qui est pieuse, mais le fait de lui mentionner ça, ça lui fait réfléchir. Des fois, il y a des gens, c'est pas des gens très très forts dans l'islam, dans leur foi. Tu vois que c'est des gens qui, au contraire, ils sont un peu loin de la mosquée, loin des musulmans pratiquants. Et parfois, quand ils apprennent des choses sur la religion comme ça, qui viennent les inciter à faire le bien et qui viennent leur faire peur de faire le haram, ça reste dans leur esprit, ça reste dans leur cœur et ça commence à les faire réfléchir par la suite. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre la porte de la repentance. Et puis ils changent leur vie, deviennent des bons musulmans par la suite. Hein? Donc ça c'est une méthode qu'on appelle al-mujadala, billati al-maw'izati al-hasana, la bonne exhortation. C'est ça la bonne exhortation. Tu parles, tu mentionnes l'ordre et les bonnes récompenses qui sont reliées à ça, et tu mentionnes les interdictions, et tu mentionnes les conséquences négatives qui sont reliées à ça, hein, et tu clarifies les choses. Tu mentionnes par exemple la récompense également pour celui qui fait le bien et qui obéit à Allah dans le paradis. Qu'est-ce qui va arriver dans le paradis ou bien dans cette vie même, le bien qui découle de ça, et celui qui désobéit à Allah, qu'est-ce qu'il aura comme châtiment dans cette dunya et dans l'au-delà. Tu peux mentionner même des exemples des autres peuples ou des autres personnes qui ont vécu dans d'autres peuples avant nous. Ben oui, c'est ça, exactement, c'est ça que le cheikh il explique. Il dit al-maw'izatul hasana هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. Tu vois, donc c'est d'ordonner et d'interdire, mais en le rattachant avec at-targhib. At-targhib, c'est-à-dire tu fais aimer aux gens cette chose-là en leur mentionnant le bien qui est dedans, et tu leur fais peur du mal qui est dans les mauvaises actions en mentionnant les conséquences négatives et les châtiments qui sont reliés à ces choses-là. Ça, c'est ce qui s'appelle at-targhib wa at-tarhib. Il y a des ulama qui ont écrit même des livres de hadith qui s'intitulent, qui ont ce nom-là ou qui ont ce titre-là. Comme par exemple, je pense que c'est l'imam Ad-Darimi ou Al-Munziri, en tout cas un des deux, il a écrit un livre qui s'appelle At-Targhib wa At-Tarhib. Et le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, il a fait le tahqiq de ce livre et il a fait sortir le sahih de ce qui est da'if. Donc il a fait le livre qui s'appelle Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Donc tous les hadiths qui sont sahih dans ce livre-là, il les a mis à part. Il a clarifié leur authenticité. Donc c'est un livre très très bon, très bénéfique. Hein, dans ce sens-là. Parce que pour chaque action dans laquelle il y a un hadith qui mentionne une récompense ou un bien quelconque, le cheikh il l'a mis dans son livre, dans chaque chapitre de la science. Donc c'est un livre très très intéressant. Puis on remarque aussi que parfois certains parmi les gens de Bid'ah, eux ils se basent là-dessus, puis ils mentionnent des hadiths même qui sont da'if. Il dit, c'est pas grave, on veut juste encourager les gens à faire le bien. Non, parce que même dans les questions de targhib ou tarhib, il faut se baser sur les hadiths qui sont authentiques. C'est pas commencer à dire des hadiths da'if, tu dis, ah, je veux juste inciter les gens à faire le bien. Hein, puisque ça consiste quand même, ça représente des mensonges, hein, contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Donc tu leur rapportes et tu les rapproches de tout ce qui est bon et tu les éloignes de tout ce qui est mauvais. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. Donc si la personne que tu veux inviter ou que tu veux appeler, elle considère qu'elle est sur la vérité et que toi, ou bien que toi tu appelles à qu'est-ce qui est faux, ça dans ce cas-là tu dois passer avec cette personne-là à un autre degré, et c'est al-mujadala billati hiya ahsan, comme c'est mentionné dans le verset wa jadilhum billati hiya ahsan. Donc ça veut dire que tu dois utiliser la meilleure méthode, celle qui va faire en sorte que la personne va accepter la vérité, les arguments rationnels et les arguments de la révélation. Le cheikh il explique, il dit, وَمِنْ ذَلِكَ الْإِحْتِجَاجُ عَلَيْهِ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي كَانَ يَعْتَقِدُهَا فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَأَلَّا تُؤَدِّي الْمُجَادَلَ إِلَى خِصَامٍ أَوْ مُشَاتَمَةٍ تَذْهَبُ بِمَقْصُودِهَا وَلَا تَحْصُلُ الْفَائِدَةَ مِنْهَا بَلْ يكون ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples d'argumenter avec les personnes de la meilleure manière, c'est que tu vas leur mentionner les preuves que eux ont cru, les choses dans lesquelles eux ils ont cru, pour débattre et argumenter avec eux. Hein? Donc c'est ça que je disais tout à l'heure du fait que certains, ils parlent avec tous les koufars de la même manière. Et ils ne distinguent pas entre les catégories de koufars avant de commencer à argumenter avec eux. Donc, ils vont parler avec quelqu'un et ils ont mémorisé par exemple certaines preuves de la Bible ou des versets de la Bible pour montrer à ces chrétiens-là que dans la Bible il y a des contradictions ou que dans la Bible il y a des choses qui sont contraires à la croyance que les chrétiens ont. Alors, ils discutent avec la personne puis ils commencent à lui parler de ces choses-là. Hein? Ils rencontrent quelqu'un dans la rue qui n'est pas musulman ou quelque part, puis ils commencent à dire, tu sais, dans la Bible, il y a des contradictions. La personne, elle ne croit peut-être même pas à la Bible. Et toi, tu veux lui montrer les contradictions dans la Bible. Commence par poser à la personne des questions au sujet de sa aqida. Tu lui demandes, en quoi tu crois? C'est quoi ta croyance à toi? C'est quoi ta aqida? Et écoute, qu'est-ce que la personne te dit? Tu demandes, toi, ta religion, c'est quoi? Elle te dit chrétienne, par exemple. Tu lui dis, ok, tu es chrétienne. Est-ce que tu fais partie d'un groupe particulier parmi les chrétiens? Parce que tu dois savoir. Il y a des sortes de chrétiens. Si tu ne sais pas c'est quoi exactement la sorte de chrétien, le groupe dans lequel elle fait partie, tu risques de vouloir argumenter avec lui sur des choses. Ça ne fait pas partie de sa croyance. Donc, si c'est un protestant, par exemple, puis tu vas lui parler de, par exemple, des arguments pour réfuter les catholiques par rapport à l'Église ou au pape ou à l'autorité des papes ou des prêtres, hein, ou des choses de ce genre, ou les croix et les images, les protestants, ils n'ont pas ces choses-là. Eux, ils ont protesté contre ça. Et c'est pour ça qu'on les appelle des protestants. Donc, si tu vas discuter avec lui en te basant sur ça, déjà en partant, tu ne vas pas pouvoir le convaincre, puisque lui, il va te dire, mais moi, je suis chrétien, je ne crois pas en ça. Ce n'est pas ça le christianisme pour lui. Donc, il faut bien cerner et bien déterminer la croyance de cette personne. Si la personne te dit, moi, je suis juif, et là, tu vas essayer de savoir quelle sorte de juif, parce qu'il y a différentes sectes juives, il y a différentes croyances parmi les différentes sectes juives. Pour être capable de lui ramener les arguments que lui, il croit, pour être capable de lui montrer la fausseté de ses croyances et les erreurs qu'il y a dans ses idées, il faut être capable de cerner bien comme il faut quelles sont ses croyances à lui. Si la personne, des fois, c'est une personne qui ne croit pas en une religion, elle n'a pas de religion, ou bien elle en a une religion, mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, il y a plein de gens aujourd'hui ici, surtout au Québec, ce sont des gens, ils vont dire, oui, moi je suis baptisé, je suis catholique, mais je pratique pas, je suis jamais allé à l'église. Et si tu lui demandes c'est quoi le dogme de l'église catholique, il peut pas te le dire parce qu'il a jamais eu d'intérêt à savoir quoi que ce soit de ces choses-là. Les seules choses qu'il sait, c'est les choses vraiment les choses vraiment générales que tout le monde sait. Hein? Mais en réalité, beaucoup d'entre ces gens-là, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une croyance en cette religion-là. Ils croient en leur propre religion qu'ils se sont inventée eux-mêmes dans leur tête. Ils ont pris un peu de croyance des hindous, des bouddhistes, un peu de croyance des chrétiens, un peu d'idées peut-être des idées philosophiques, New Age, hein, des choses de ce genre, puis de la croyance populaire de qu'est-ce que les gens racontent. Hein. Ils ont pris ça un peu partout, à gauche, à droite, puis c'est ça leur aqidah. Donc, quand tu veux argumenter avec eux, ces gens-là, tu ne peux pas argumenter avec eux de façon comme tu vas argumenter avec un catholique qui est convaincu, qui connaît le Vatican, le Concile de Vatican II, puis qui se limite à ça, puis qui est vraiment dans le dogme. Hein? Ou bien un protestant, évangéliste, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou méthodiste. Donc, il faut savoir chacune de ces choses-là, et c'est pour ça que la da'wah, ça nécessite du ilm. Non seulement du ilm du Coran et de la Sunna, mais du ilm également de la religion de la personne que tu invites à l'islam. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ » Ou bien « إِلَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » Donc, « شَهَدَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » C'est-à-dire, « Je t'envoie vers des gens du livre. » Donc, il les avertit pour qu'ils soient prêts à savoir comment argumenter avec ces gens-là, parce que ce sont des gens du livre. Hein? Chacun, il a une croyance différente, et il doit savoir comment répondre à leurs questions pour leur prouver la fausseté de leur croyance et montrer la véracité de l'islam. Et c'est ça la da'wa. Si tu vas parler avec un bouddhiste, tu dois savoir les croyances des bouddhistes. Tu dois savoir c'est quoi leurs principes et savoir quelle sorte de bouddhisme qu'ils pratiquent. Parce qu'il n'y a pas seulement une branche dans le bouddhisme, il y a plusieurs branches. Et donc il faut savoir de quelle branche à quelle branche il appartient. Ce n'est pas nécessaire de savoir tous les détails de la religion de ces gens-là, mais au moins de connaître les choses de base. Les choses qui ont rapport avec le tawhid. Les choses qui ont rapport avec l'iman bil-rusul, ou l'anbiya. Pour être capable de leur faire comprendre l'islam. De les rapprocher à leur esprit et à leurs idées. Hein? Et donc ça nécessite tout ça. Et les hindous, c'est la même chose. Quand tu parles avec un hindou, et non, juste un instant. Naam. Wa alaykoum salam. Naam. Donc ça a pris du temps, hein? Ah, j'ai pas. Non, pas du tout. Ah, ok, j'ai pas senti le téléphone sonner. Ok, khair, inshallah. Salam alaikum. Salam. Désolé, hein. C'est juste. Cet appel-là, c'était important. Il fallait que je le prenne. Et naam. Donc, tout ça, c'est des points importants à comprendre. Naam. Et non. Oui, c'est ça. Ça, c'est des. C'est parce qu'il y a des groupes, comme tu dis là. Maintenant, il y a des gens ici au Québec, quand ils ont rejeté la religion catholique, ils ne croient plus en l'Église. Et ils ne croient plus en ce qu'ils appellent des religions organisées. Eux, ils appellent les religions là, comme l'islam, le christianisme. Judaïsme et tout, pour eux ça c'est des religions organisées et eux ils croient plus en ça, ils disent maintenant je crois en hein, parce que eux ils disent ça c'est des choses, eux ils croient que c'est des choses hein, inventées par l'homme et ils distinguent pas entre qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux dans qu'est-ce que ces religions là enseignent. Ils mettent tout ça dans le même paquet et pour eux les religions qui sont non organisées ils appellent ça la spiritualité. Et ils rentrent là-dedans le soufisme, le mysticisme, le New Age, les idées de bouddhisme et d'hindouisme, toutes les spiritualités orientales, ils appellent ça, hein, ces idées-là de spiritualité. Et pour eux, ça c'est bon parce que pour eux, il y a une liberté là-dedans. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de croire en une chose spécifique et de pratiquer des choses spécifiques. Ou de t'interdire de faire certaines choses. C'est toi qui décides. C'est comme religion à la carte. Ce qui te plaît, tu trouves que c'est bon, tu le prends, tu le mets dans ton affaire. Si t'aimes pas, tu le prends pas. Hein? Et donc, c'est pas, en réalité, c'est pas une religion, ça. C'est leur passion qu'ils suivent. Hein? Et c'est pour ça que cette catégorie-là, c'est des gens qu'on appelle, c'est ça, des gens qui suivent leur passion. Hein? Il y a des gens aussi, ils ne croient pas en religion, ils disent « moi je suis scientifique, je crois que à la science et je ne reconnais pas l'existence de Dieu, je crois que à qu'est-ce que je peux toucher ou voir hein? », les matérialistes. Hein? Donc ces gens-là, il y a une autre façon d'argumenter avec eux, différente de celle des chrétiens et des juifs. Donc, des fois, par exemple, j'étais avec des frères de différents pays et je les voyais comment ils approchaient des non-musulmans. Et je vois qu'il y en a une fois, il commence à parler avec un haïtien. Il commence à lui parler, tu sais, nous, on est des musulmans, on croit en tous les prophètes et on croit en Jésus. Hein? Non, c'est un frère musulman. Il fait pas partie d'établir des choses là. C'est un musulman qui était sur la sunna, yani. Sauf que, disons que, c'est un musulman qui a pas vraiment étudié en profondeur la religion de l'islam. Mais, yani, il a les bases que tous les musulmans doivent posséder de l'islam. Mais qu'est-ce qui a rapport de la da'wah et des choses de ce genre? Il est limité peut-être dans ça. Donc quand il commence à parler avec l'haïtien, en fait, c'est un haïtien, à la base les haïtiens en général sont chrétiens, mais sauf que il y en a parmi les haïtiens qui ne croient pas en Dieu. Hein? C'est plus rare, mais il y en a. Il y en a beaucoup même. Donc l'autre, quand il lui a parlé de cette manière-là, ça lui a rien dit, tu vois. C'est comme, il lui parle des prophètes et de Jésus. Pour lui, c'est comme s'il est en train de parler de rien d'intéressant. Ça, pour lui, là, ça vient pas le toucher, ça l'intéresse pas. Parce qu'il comprend même pas qu'est-ce que c'est. Alors moi, j'ai commencé à lui expliquer des choses, hein. J'ai commencé à lui parler, par exemple, des arguments, des éléments qui prouvent l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des trucs scientifiques. Puisque j'avais étudié, j'ai pris beaucoup de cours de sciences, donc, j'ai beaucoup d'exemples à donner dans ces affaires-là. Et là, je vois qu'il commence à écouter. Je vois qu'il commence à poser des questions. Hein? Et puis, on s'est redonné un autre rendez-vous. Et puis, le frère qui était avec moi, il a écouté la façon dont je discutais avec lui. Puis, la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, il a accepté l'islam. Donc, là, après, il a compris, le frère, que c'est pas à tout le monde qu'on peut parler de la même manière. Puis c'est pas tout le monde qui croit en la même chose. Donc il faut adapter la da'wah selon la personne. Et c'est pour ça que j'ai remarqué quelque chose qui est dommage, c'est que souvent quand les musulmans parlent de da'wah, ils pensent que ça se limite juste à faire la da'wah aux chrétiens. Et les autres croyances, les autres religions, ils les ont laissées de côté. Donc quand les musulmans voient des chrétiens arabes, des chrétiens libanais ou égyptiens, ou quand ils voient des hindous ou des bouddhistes ou d'autres croyances, ils ne leur font pas da'wah. Parce qu'ils ont vu les débats d'Ahmed Didat parfois, et ils ont cru que c'est ça la da'wah. Hein? Alors que ça, c'est pas ça, et ça ne se limite pas à ça. Hein? Et souvent dans ces débats-là qu'il a fait, Ahmed Didat, des fois il y a des choses, c'est pas nécessairement correct ce qu'il dit. Mais bon, bien entendu, il a fait selon son niveau de connaissance. Mais, alhamdoulilah, yani, il faut comprendre que notre référence et notre modèle à suivre pour la da'wah, c'est les prophètes, les messagers d'Allah. Et comment eux, ils ont appelé les gens à l'islam, ça c'est très important. Et ça nous, en même temps, ça vient réfuter l'approche ou l'attitude ou le comportement de ceux qui aujourd'hui appellent à ce qu'ils appellent le dialogue avec les religions. Et le but de ces soi-disant rapprochements des croyances, des religions ou des civilisations, puis le dialogue, hein, ainsi de suite, c'est pas de faire la da'wah pour eux. C'est juste plutôt d'arriver à se comprendre mutuellement, de se mettre à la place de l'autre, puis de pas se juger, de pas se critiquer, d'accepter qu'est-ce que l'autre dit, et de reconnaître que tout le monde a une part de la vérité, puis de s'aimer, puis de s'accepter tel qu'on est, hein, puis de pas essayer de convertir l'autre comme ils disent, hein, le respect mutuel. Et ça, c'est complètement contraire à la da'wah des messagers d'Allah. Parce que eux, ils ont pas appelé à ces idées de rapprochement ou de dialogue de cette manière-là. Ils ont appelé à la da'wah, c'est-à-dire d'inviter les gens à l'islam, à la vérité, et de réfuter les choses qui sont contraires à la vérité dans le message des prophètes. Et on voit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est assis avec les chrétiens, quand il s'est assis avec les juifs, quand il s'est assis avec les mouchriquins, il a pas dit à ces gens-là, oh ben, on vous accepte comme vous êtes et acceptez-nous, acceptez que je suis un prophète, puis on va vous accepter. Puis on fait la paix, puis on s'aime, on se respecte. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il a dit lakum dinukum waliyadin, et il les a appelés, hein, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله, c'est-à-dire venez à une parole commune entre vous et nous, que on n'associe rien avec Allah, hein? Et les gens de Bid'a aujourd'hui, ils ont pris ce verset là et ils ont dit إلى كلمة سواء, c'est-à-dire on va prendre un mot qu'on a en, un nom ou un mot qu'on a en commun, puis on se met d'accord dessus, puis on s'unit là-dessus. Ils ont cru que de se mettre d'accord sur une parole commune, ça veut dire que c'est nous qu'on choisit la parole, puis on se met d'accord dessus. Mais quand Allah il dit ça dans le verset, il dit « Ta'alo ila kalimatin sawa », ça veut dire de se mettre d'accord sur cette parole commune, c'est de la ilaha illallah. De se mettre d'accord sur le tawhid, sur l'islam. C'est pas de choisir un mot, puis on se met d'accord dessus, puis après on s'unit sur ça. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont fait leur, leur truc là, ils ont écrit un texte, soi-disant c'est signé par je sais pas combien de savants musulmans, ils ont dit. Et ils ont dit on se met d'accord sur une parole, puis ils ont marqué amour. Donc on va se mettre d'accord sur l'amour. Et après ils ont commencé à essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'amour, l'amour de Dieu, puis ainsi de suite, développer ça. Mais il y a tourner en rond, il y a un. Et c'est les catholiques en fait qui ont le, les idées de rapprochement, puis des, les conférences qu'ils organisent pour le rapprochement des religions là. Les premiers qui ont commencé ça, c'est les chrétiens. Et les premiers qui ont répondu à ces appels là, ce sont les Ikhwan. Ce sont les Ikhwan et aussi certains professeurs de Al-Azhar comme Al-Qardawi et d'autres. C'est eux qui ont commencé ces affaires-là. Puis, leur but, quand tu vois, quand ils parlent, eux, ils disent toujours, bon, les chrétiens, ce sont nos frères. Quand le pape est mort, ils ont dit, ils ont commencé à... Qardaoui, il a fait l'éloge du pape, ils ont commencé à dire à son sujet que Dieu leur récompense pour tout ce qu'il a fait comme effort pour sa religion, ainsi de suite. Quel effort qu'il a fait pour sa religion. Il a fait le shirk. Il a appelé les shirk au shirk. Il a répandu le shirk sur la terre. Il essaie de, il essaie encore aujourd'hui de convertir les musulmans dans les pays musulmans et les appeler au christianisme. C'est ça les efforts qu'il a dans le shirk. Comment Allah va le récompenser pour ça? Et de demander la miséricorde d'Allah pour lui alors que c'est un mushrik. Alors que Allah, dans le Coran, il nous interdit de demander ça pour les mushrikines. Donc ça, c'est des choses, c'est contraire à l'islam, il n'y a pas de doute. Et donc c'est pour cette raison-là. Donc il faut qu'il y ait plus d'éducation sur la da'wah et que les gens apprennent réellement qu'est-ce que c'est la da'wah. Il y en a qui pensent que la da'wah, c'est juste de motiver les gens, de exciter les gens, alors que la da'wah, c'est pas ça du tout, Yanni. En tout cas, on va continuer donc à lire les paroles du shaykh, qu'est-ce qu'il dit. Il dit « وَمِنْ ذَلِكَ الْإِحْتِجَاجُ عَلَيْهِ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي كَانَ يَعْتَقِدُهَا » Donc la personne se doit argumenter avec elle en regardant les preuves que lui, les choses dans lesquelles lui, il croit. C'est quoi, tu crois en quoi? Si tu ne sais pas en quoi il croit, tu ne vas pas pouvoir lui montrer que ces croyances-là ne sont pas correctes. Et donc, tu essaies de lui ramener les preuves et de l'amener à l'objectif et au but de la manière la plus rapide, de la manière la plus proche. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il faut faire bien attention que lorsque tu vas débattre avec lui, ça ne va pas mener à des disputes et quand tu vas parler avec la personne, ça amène à des batailles ou des argumentations dans le but juste de disputer, quand tu commences à, tu te disputes et tu... le cheikh, il explique, il dit « al-khisam », dans le sens que tu vas juste argumenter avec la personne pour te disputer, ou bien commencer à faire des insultes. Tu commences à insulter la personne, dénigrer la personne, des choses comme ça. Là, tu es sorti de ton objectif. Quand tu commences à faire ça, quand ça commence à devenir juste des insultes, puis des criages, tu cries, l'autre crie, puis plus personne n'écoute l'autre, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'ordre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mujadala. Là, c'est sorti de l'objectif, et là, ça devient quelque chose qui est contraire à ton objectif. Et il n'y aura pas de bienfait là-dedans, si c'est comme ça. Tu discutes avec quelqu'un pour lui prouver la vérité, pour lui expliquer, donc tu mentionnes les preuves, et lui, il écoute, et lui, il te mentionne ses arguments, et toi, tu l'écoutes, et tu lui réponds, comme ça, dans le respect, dans le but d'arriver à la vérité, ça c'est correct. Mais si c'est juste de crier sur la personne, de l'insulter, et lui, il t'insulte, et il crie sur toi, là, tu es sorti de l'objectif, et dans ce cas-là, tu dois laisser ça de côté. Parce que là, tu vas pas arriver à aucun résultat de cette manière-là. Ton objectif et ton but dans ta discussion, ça doit être le but de guider les créatures vers la vérité. Et non pas seulement de vouloir avoir le dernier mot, ou de vouloir être le plus fort. Tu veux montrer ton intelligence. Tu veux montrer que c'est toi le plus éloquent, le plus brillant, le plus fort. Donc si c'est ça, ça aussi, t'auras pas de résultat là-dedans. Hein? Il faut pas que ce soit ça le but et l'objectif. Peut-être que des fois tu vas argumenter avec quelqu'un, et toi t'as de la difficulté à t'exprimer bien. Et l'autre, il s'exprime bien et il a pas de difficulté à parler. Quand les gens écoutent, ils vont croire que c'est lui qui a raison. Alors que toi, c'est toi qui as la vérité, mais tu n'es pas capable de l'expliquer. Hein? Donc ça, ça prouve que c'est pas le fait que toi tu parles plus fort ou plus bien que c'est toi qui as la vérité. Hein? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi qui as raison. L'important, c'est pas ça. Mais des fois, les gens, en apparence, ils regardent que ça. Malheureusement. Donc il faut faire attention aussi quand tu parles, devant qui tu parles. Et il faut être sûr que quand tu vas être devant quelqu'un, que tu vas être capable de défendre la vérité de façon satisfaisante et correcte. Que tu ne vas pas faire perdre la vérité devant les gens. Puis qu'à cause de toi, les gens vont croire que le mensonge est plus vrai que la vérité parce que tu ne sais pas bien t'expliquer ou t'exprimer. Donc ça, c'est très important aussi de prendre ça en considération. Mais il y a des gens qui pensent que la vérité, c'est par l'éloquence, ou que la vérité, c'est par rapport à celui qui parle plus fort ou qui crie plus fort. Non, ça par rapport. Même si tu parles tout bas, ce que tu dis la vérité, c'est la vérité. Et même si tu t'exprimes pas bien nécessairement, ça veut pas dire que tu as tort. Hein? Peut-être que c'est toi qui as le haq. Mais donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est très important. Et pas laisser le shaitan te faire dépasser la limite du respect, puis des bonnes paroles, puis du bon comportement, puis de te laisser emporter par l'orgueil et la fierté du fait que tu veux avoir le dernier mot, puis tu veux être celui qui dit qu'est-ce qui est, hein, que la personne accepte tout ce que tu dis. Peut-être que Allah y décide autrement. Des fois, tu peux pas convaincre une personne en une seule rencontre. Des fois, ça peut prendre 3, 4 ou plus. Donc, essaie pas toujours, comme certains, par exemple, ils parlent avec quelqu'un qui est pas musulman, ou bien quelqu'un qui pratique pas l'islam, ou quelqu'un qui est égaré. Ils veulent que la personne soit guidée du premier coup, et que la personne accepte le haq tout de suite. Et donc, ils vont continuer à argumenter. Puis, tu vois que la personne commence à être fatiguée, ou elle veut s'en aller, ou elle a quelque chose à faire, puis toi tu la retiens, tu dis non. Non, laisse la personne aller. Peut-être la prochaine fois tu vas discuter avec elle encore, peut-être une autre fois, peut-être quand tu vas la laisser partir, elle va réfléchir à qu'est-ce que tu lui as dit, elle va comprendre, la prochaine fois elle va accepter, ou l'autre fois, ou même des fois c'est pas toi qui vas la convaincre à la fin. Peut-être c'est un autre musulman qui va rencontrer cette personne une autre place, qui va la convaincre. Donc, une fois j'ai entendu quelqu'un, il expliquait que quelqu'un lui a donné un pamphlet sur l'islam, puis c'est seulement 10 ans après qu'il s'est converti à l'islam. Donc, il ne faut pas penser que si la personne ne se convertit pas dans ta main à toi, c'est-à-dire par rapport à toi, par ton intermédiaire, que la personne est perdue, elle ne va pas être guidée plus tard. C'est Allah qui guide, c'est pas toi. Toi, tu fais seulement transmettre le message et clarifier les arguments. Si la personne accepte, alhamdulillah, sinon, Allah qui décide. Donc, alhamdulillah. Ensuite, donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ? Wa qawluhu inna rabbaka هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي أعلم بالسبب الذي أداه إلى الضلال ويعلم أعماله المرتبة على ضلالته وسيجازيه عليها وهو أعلم بالمهتدين علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم من عليهم فاجتباهم. Donc le cheikh il dit, ton Seigneur connaît certes plus celui qui s'était, Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux celui qui s'est égaré de son chemin, c'est-à-dire il connaît mieux les causes qui l'ont amené à l'égarement, et il connaît les actions qu'il a fait qui ont été des conséquences dans son égarement, et il va le rétribuer selon ses actions-là. Parce que les ulama ont expliqué que la guidance, elle a des causes, et l'égarement, elle a des causes. C'est pas comme si, il y en a qui disent, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique, dans le Coran, il dit, يهدي من يشاء, ويضل من يشاء. Il égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc c'est clair que la guidance et l'égarement sont reliés à la volonté d'Allah. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la guidance et l'égarement sont pas seulement reliés à la volonté d'Allah, mais également reliés à sa sagesse aussi. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala implique que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il guide quelqu'un, il le guide par rapport à quelque chose qu'il a fait, dans le sens que cette personne-là a mérité la guidance. Et il l'égare par rapport au fait qu'il a mérité l'égarement. Et ça, c'est clair dans plusieurs versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne par exemple, à propos de l'égarement, il dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils se sont déviés, Allah a fait dévier leur cœur. Hein? Par exemple, à propos des munafiqins, ou bien d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. À cause d'un péché qu'ils avaient fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis en mettant l'hypocrisie dans leur cœur. Hein? Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les bonnes œuvres, puis il mentionne que ça a été la cause de la guidance de ces gens-là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts dans notre cause, hein, on va les guider vers nos chemins. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْتَدَوْ هُدَى. Allah subhanahu wa ta'ala augmente ceux qui se sont mis droit sur la guidance, il les augmente en guidance. لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il augmente ceux qui ont cru, il les augmente en foi. Il mentionne également, dans un autre verset dans surat Taghabun, il dit il y a une ayah comme ça dans surat Taghabun, ça dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Donc tout ça c'est pour montrer que la guidance, elle a des causes. Et l'égarement, elle a des causes. Et Allah, il est juste et il est sage. Donc si tu veux être guidé, fais les causes pour être guidé. Et si tu ne veux pas être égaré, évite les causes qui vont te faire être égaré. Hein? Et ensuite, donc il dit, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux ceux qui ont été bien guidé. C'est-à-dire, il savait que ces gens-là méritaient la guidance, et donc et qu'ils étaient aptes à être guidés, donc il les a guidés. Et il leur a donné cette faveur et les a rapprochés. Hein? Et ensuite, le cheikh, il explique d'autres versets encore, mais étant donné que, bon, le dars maintenant, on a dépassé le temps, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis inshallah, on continuera le prochain cours. Donc, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.